Oui, Chiti, le palais. Alors, vous voyez, grand dirigeant ? Oui, grand général. Ici, vous avez le centre de contrôle de tous nos avant-postes avec caméra et bien sûr, radar. Nous avons... Oui, je vois, oui. Nous avons découvert que les rats, à l'instar des taupes, émettaient un signal bien précis en se déplaçant. Nous avons pu localiser leur base un peu après les gouffres. Ah, d'accord. C'est là où il fait chaud, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, grand dirigeant. Ce sont les grandes failles pleines de magma qui emmènent au centre de la Terre. Oui, je sais que c'est ça, mon intendant. Je sais que c'est ça. Je ne suis pas imbécile. Je ne voulais pas dire ça, grand dirigeant. Je n'oserais pas. Donc, si je comprends bien, nous serons prévenus aussitôt que les rats bougeront. C'est ça, grand dirigeant ! Bah, de toute façon, pour ce que ça va durer, cette petite guerre, les rats nous n'en feront qu'une bouchée, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, grand dirigeant. Nous avons la plus grande armée, la meilleure ! Oui, c'est sûr. Nous gagnerons, mes amis. Et c'est en voyant ce complexe militaire que je me dis que nous sommes réellement très forts. Nous avons la technologie avec nous. Les rats ne passeront pas. Bah, I wish. Les chutes, non loin de Wish City. Les chutes. Il est des endroits bordant Wish City qui s'apparentent à des petits coins de paradis. Les chutes sont de cela. Une grande rivière coulait avec douceur, sortant de la roche par filets pour serpenter dans son lit. Des raies bleutées dansaient sur les parois de la caverne à la lumière des torches. Tout ici n'est que douceur, au contraire des chantiers où se côtoyaient le bruit et la fureur. Comme tous les soirs, depuis 4 jours, nous nous efforcions, vous et moi, de mettre au point le gigantesque piège imaginé par Mila. La fille du grand dirigeant s'était mise dans la tête de repousser les rats, nous trois. J'avais accroché plusieurs barres de fer en hauteur, retenues par quelques cordes, ici et là. Un rail passait juste au-dessus de l'entrée de la caverne et continuait en zigzagant pour prendre de la hauteur au-dessus des chutes. Une fois les rats passés sous l'entrée, nous n'aurions plus qu'à trancher 2 cordes de l'autre côté pour que l'entrée s'effondre et les empêche ainsi de revenir en arrière. Nous fermions des portes, en quelque sorte, que jamais les rats ne pourraient rouvrir. Et ceci pour les éloigner de Wish City et les attirer à la galerie Est, là où nous allions les enfermer à vie. J'ai eu du mal à te trouver ! J'ai sursauté. Mila se trouvait sur l'autre rive, seule, contemplant mon travail. C'est Booz qui m'a dit où t'étais ! Des barres de fer qui retiennent la roche ? Oui, j'ai cassé la pierre par endroits. Sans les barres, tout s'effondre. Et ces cordes-là retiennent les barres ? Ingénieux ! Merci. L'entrée est plus petite que tous les autres tunnels à boucher. Pas besoin de dynamite ici. Je me suis hissé sur les rails, traversant les chutes. Mila a fait de même. Et nous nous sommes retrouvés l'un devant l'autre. Non, y a pas de risque. Aucun chariot ne passe plus ici depuis que la voie 35 a été construite. Elle est plus rapide. Je crois même que plus personne ne vient admirer les chutes. Tu sais, les gens ont plus de temps. Moi, je sais pas grand chose. J'ai toujours vécu au palais. C'est beau ici. Je sais. Je viens ici assez souvent. C'est l'endroit le plus calme. Pas de pioche ici, pas de tractopelle, ni de marteau-piqueur. Pas de métro, pas de train, pas de télé. Pas de bruit à part celui de l'eau. D'où elle vient ? Du mur, là. Oui, je vois. Mais d'où elle vient, sinon ? Nous regardions l'eau jaillir de la roche pour danser quelques mètres sous les rails. Du monde derrière le grand trou. Tu crois ? Non, je sais pas. Squeak, ça va vite depuis qu'on s'est... Enfin, qu'on s'est rencontrés et... Et ? Rien. Juste que ça va vite depuis qu'on s'est rencontrés. Et ça va aller encore plus vite avant qu'on se voit plus. Alors je voulais juste te dire merci. Bah, je voulais passer le grand trou de toute façon, voir l'autre monde. Alors, s'il faut que quelqu'un reste coincé dans la galerie Est, autant que ce soit moi, non ? Puisque le seul moyen de s'en sortir après, c'est de passer le grand trou. Jamais on ne se serait rencontré autrement. Jamais j'aurais autant eu le courage de faire le mur, de sortir du palais. Mila ? Ouais, je sais. J'ai pas été tout le temps sympa, mais bon, c'est normal. Moi, je suis la fille du grand dirigeant. Mila ? Et toi, comme Booz, t'es qu'un creuseur, tu travailles la terre. Et... Mila, je voudrais pas... Non, mais pas... laisse-moi faire, quand même. Je suis la fille du grand dirigeant, bon d'accord, tu me dois du respect. Parce que moi, j'ai les mains beaucoup moins sales que les tiennes. Mila, je crois qu'il faut qu'on bouge. Non, je bougerai pas d'ici avant d'avoir fini. De quel droit tu peux me donner des ordres ? J'essaye d'être gentille et de m'excuser, et c'est pas facile. Non mais sérieusement, Mila. Mais on ne met pas sa main sur mon épaule, monsieur. Non mais des fois. Mila, écoute-moi, le grondement c'est... C'est pas parce que je suis gentille avec toi que je dois coucher avec toi. Ça veut dire quoi, ça? Tout de suite, parce qu'on est gentil, on doit se retrouver allongé, à se caresser, à être encore plus gentil, et... Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est ce que j'essaye de te dire depuis un moment. Faut sauter, Mila. Dans l'eau? Oui, dans l'eau. Le grondement qui allait en s'amplifiant, c'était typique de ces grandes masses brunâtres surgissant d'on ne savait où et qui étouffaient bon nombre de creuseurs dans les chantiers. C'était typique des foulées boules.